bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Mettre en valeur, rencontrer le public, contextualiser, conserver aussi et puis respecter les lieux. Oui, la muséographie s'inscrit dans une histoire, notre histoire, celle des sensibilités. Allez, nous partons au musée. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le XXe siècle, c'est le titre de l'ouvrage futuriste proposé par le génial Albert Robida en 1883, une source inépuisable de plaisir. Et à la fin du XIXe siècle, il imagine une visite au Louvre en 1952. Oui, une visite dans un charmant et élégant tramway, mu par l'électricité, qui court maintenant sur des rails à travers toutes les galeries du musée. Partant toutes les heures de la Galerie des Antiques, le tramway, après avoir traversé toutes les salles du rez-de-chaussée, monte par des pentes préparées au premier étage, commence par la Galerie des Maîtres Primitifs, arrive au grand salon de la Renaissance, parcourt les galeries des écoles italiennes, espagnoles, hollandaises, allemandes, suit doucement et religieusement la grande galerie de l'école française et bifurque ensuite pour monter par une pente adoucie au second étage réservé à la peinture moderne. Et Robida ajoute, ce voyage à travers les arts dure une heure à peine. En une heure, les visiteurs ont parcouru toute l'histoire des beaux-arts depuis les superbes époques grecques et romaines jusqu'à la grande révolution des modernistes ou des photopeintres. Vision formidable du Louvre, vision futuriste. Vision pas si fausse que ça en vérité. François Mérès, bonjour. Bonjour. Je lisais ici un extrait du XXe siècle de Robida qui imagine un train dans les galeries du Louvre pour aller plus vite visiter le Louvre en une heure à peine. Il n'y a pas de train, mais la visite peut se faire en une heure. En tout cas, certains l'imaginent pour des touristes qui avancent en wagon. Dites-nous, François Mérès, il y a l'histoire de l'art qui évolue, mais l'histoire d'exposer les œuvres mérite aussi d'être étudiée parce que son évolution m'a l'air sidérante. Je ne peux pas parler de rapidité, mais ça va très vite. Il y a un écart majeur entre le 19e siècle et aujourd'hui. Oui, absolument. Et même depuis le moment où on commence à exposer, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des modes, il y a des évolutions qui, évidemment, se sont accélérées ces derniers temps. Il y a des différences entre les pays, entre guillemets civilisations. Par exemple, la manière dont on exposait en Union soviétique était très différente. Et la manière dont on présente les œuvres en Chine est assez différente aussi. Et ça, c'est assez fascinant parce que c'est un domaine qui, à mon sens, est encore relativement peu exploré. L'idée que l'art soit une histoire d'exposition, comme l'a écrit Jérôme Gliessenstein, par exemple, c'est finalement un phénomène qui est relativement récent par rapport à l'histoire de l'art. On s'y intéresse beaucoup, beaucoup plus, de plus en plus, depuis le début du XXIe siècle. Oui, c'est vrai qu'il y a cette réflexion sur comment exposer les œuvres qui s'inscrit dans une histoire très longue, qui est celle de l'exposition même des œuvres. François Mérès, à partir de quel moment les œuvres sont exposées avec une volonté de les montrer au public de manière le plus large possible ? À la limite, je dirais que avant même qu'on évoque des œuvres, c'est effectivement l'exposition d'objets. Et très clairement, par exemple, à l'église, il y a toute une histoire, bien sûr, durant le Moyen-Âge, de l'exposition des reliques, qui n'est pas sans rappeler celle des expositions telles qu'on les connaît, avec même des catalogues, avec des ouvertures, avec des modes de présentation qui sont tout à fait particuliers et qui en font effectivement un dispositif à part entière. Donc c'est un phénomène qui est très ancien, qui se développe, qui se sécularise et qui effectivement va progressivement se transformer, puisque on parle d'œuvres d'art, mais l'exposition des objets, l'exposition des naturalia, de tous les objets d'histoire naturelle est tout à fait fascinante aussi, bien sûr. Oui, vous avez raison, François Mérès, de souligner cela. Les musées, ce ne sont pas que des musées de peinture, de sculpture. Il y a aussi tous les musées, ce qu'on appelle les musées d'histoire naturelle et d'autres. Et c'est important d'en parler également. Vous êtes professeur à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Vous avez travaillé sur cette réflexion de muséologie pour en tirer des éléments nécessaires pour le contemporain, des ouvrages à la médiation culturelle ou encore le dictionnaire encyclopédique de muséologie. Mais dans ce que j'entends sur cette volonté d'exposer, j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'accumulation. Pendant longtemps, il fallait en mettre un maximum. Alors, j'aurais tendance à dire que, bien sûr, il y a un phénomène d'accumulation qui est, on pourrait dire, inhérent au principe de la collection, de toute façon. Mais potentiellement, progressivement, en fait, ce qu'on va voir aussi, c'est un intérêt pour les publics. Un intérêt qui, d'abord, s'exprime pour un public qui est relativement choisi. C'est-à-dire que quand le public est un savant, on pourrait dire, ou essentiellement est lié à la recherche, etc. Ben, ce qu'on va faire, c'est comme dans une bibliothèque, c'est-à-dire qu'on essaie de montrer des séries, d'en montrer le plus possible potentiellement, pour qu'on puisse véritablement faire des éléments de comparaison, etc. À partir du moment où le musée commence progressivement à s'adresser à un public de plus en plus vaste, ce qu'on observe, on pourrait dire, à partir essentiellement de l'entre-deux-guerres, ben, à ce moment-là, on commence à épurer. Et en se rendant compte qu'on ne peut pas donner tout, parce que sinon, effectivement, le public s'y trouve moins. Et donc, on va commencer progressivement à constituer des réserves. Auparavant, il y avait très peu de réserves. Il y avait très peu de réserves, tout était exposé. Mmh. Et puis, il y a des moments forts dans cette histoire du rapport entre l'œuvre et le public. C'est le salon au 19e siècle, moment exceptionnel où des œuvres sont exposées. 19e siècle, début du 20e siècle et encore aujourd'hui, enfin le salon existe, il a peut-être moins la force qu'il avait au 19e siècle. Nous partons au salon avec un marchand d'art. Maintenant, Monsieur Canveller, je voudrais que nous parlions un peu de la peinture que vous avez découverte à Paris en 1902. D'abord, tout le monde n'aimait pas la même peinture. Qu'aimaient les gens de goût, les gens les plus avertis? Eh bien, il y avait d'abord les gens sans goût, lesquels aimaient, bien entendu, les peintres du grand salon, le salon des artistes français, qui était à ce moment-là un événement mondain et artistique, je trouve déjà, considérable. Les peintres oubliés aujourd'hui, comme Chabas, comme Le Goût Gérard, comme Bail, jouaient un rôle très, très considérable, étaient payés très cher par leurs amateurs, qui étaient des gens riches. Mais que peignait-il ? Chabas peignait des jeunes femmes délicieuses qui trempaient leurs jambes dans une eau glauque au crépuscule ou à l'aube et qui frissonnaient. Bail peignait des casseroles, on vantait beaucoup l'éclat de ces casseroles de cuivre. Et Le Goût Gérard, c'était le célèbre peintre des bruyères roses. Daniel Henri Kahnweiler, collectionneur marchand d'art allemand, qui évoquait en 1961 ses souvenirs du salon. François Mérès, ce son vous fait sourire. Il y a un regard porté sur le salon lui-même et sur les œuvres. Il faut vraiment rappeler l'importance de ce qu'étaient ces salons et la manière d'exposer dans ces salons. Globalement, on pourrait dire que c'est véritablement le salon qui va fonder le goût, d'une certaine manière, à partir du XVIIIe siècle. On songe évidemment à tous les écrits qui se trouvent autour du salon, notamment, bien sûr, ceux de Diderot, etc. C'est véritablement, effectivement, une république de l'œil, comme l'écrira Pascal Griner, à savoir, évidemment, la possibilité de rassembler un certain nombre, justement, de publics, qui va se constituer en public et qui va pouvoir développer un discours. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a ce dispositif tout à fait particulier qui va très clairement, dès ces moments-là, notamment, bien sûr, avec le salon carré du Louvre, amener à une réflexion sur la manière de l'exposer le mieux possible, puisqu'il faut imaginer, bien sûr, des bâtiments qui, auparavant, ne sont pas du tout destinés à ça, et sur lesquels on va commencer à réfléchir au niveau de l'éclairage. Un éclairage qui va se faire zénithal, par exemple. Et puis, bien entendu, aussi, un accrochage qui est très serré. On pourrait dire que, jusqu'à la fin du 19e siècle, effectivement, on a, pour les tableaux, un accrochage qui est à touche-touche, donc très, très serré, ce qui donne évidemment cette mosaïque, on pourrait dire, de tableaux que probablement le public n'a aucune difficulté à appréhender, puisque globalement c'est ce que nous faisons aussi quand nous lisons un journal. On peut tout à fait se concentrer sur un article sans interférer, voire interférer les autres. Et ça n'est que, on pourrait dire, à partir du début du XXe siècle, qu'on aura des grands conservateurs qui vont s'écrier pour dire, mais mettre plus de deux tableaux, deux rangées de tableaux est un crime, comme l'écrira Faucillon ou d'autres. C'est-à-dire que là, progressivement, on se rend compte que l'espace entre les œuvres est comme le silence au niveau de la musique. Et c'est à ce moment-là, très clairement, que on retrouve cette nouvelle distance et donc qu'on voit cet espace du salon, et qu'on observait dans les musées aussi, hein, à la même époque effectivement, avec d'ailleurs un fond rouge, hein, dont il faut imaginer qu'il était très largement caché. C'est aussi pour ça qu'il n'était pas, il était moins criant que les rouges qu'on peut observer maintenant, avec des accrochages qui sont beaucoup plus espacés. Mais ce qu'on peut observer à ce moment-là, c'est effectivement que les choses vont se s'ouvrir, pour justement aussi s'ouvrir à d'autres. Et à plus de public, pourrait-on dire. À plus de public, le public est essentiel pour comprendre la manière d'exposer le tableau. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Noémie Etienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art, professeure en histoire de l'art à l'université de Berne. Vous êtes l'auteur d'ouvrages « La restauration des œuvres d'art à Paris 1750-1815 »,« Pratiques et discours sur la matérialité des œuvres d'art » ou encore, là plus récemment, « Les autres et les ancêtres, les dioramas de Franz Boas et d'Arthur Parker ». Dites-nous, Noémie Etienne, dans tout ce que nous venons de dire sur la manière d'exposer les œuvres, notamment au salon où le mur est recouvert de tableaux, il y a un regard politique ou social à apporter à l'exposition même de l'œuvre d'art. Oui, donc moi je pense que c'est important peut-être de juste repartir un petit peu sur qu'est-ce qu'un dispositif d'exposition, pourquoi en fait on en parle. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'au-delà des beaux-arts, et même en comprenant aussi la peinture par exemple de la Renaissance, tout ce qu'on voit dans les musées, c'est des choses qui ne sont pas forcément faites pour y être, et c'est donc des choses qui existaient au préalable dans un tout plus ou moins cohérent, qui sont ensuite extraite, et c'est vraiment ça que fait le musée, et puis remontrer, re-exposer. Et la manière dont on va re-exposer, réexposer, remettre en situation, va différer complètement, c'est ce qui a été dit, et ces choix sont des choix qui sont pas neutres, effectivement, qui sont des choix politiques au sens large. Une chose que moi je fais volontiers, c'est repartir du mot display, le mot anglais, qui vient du latin, qui veut dire displicare, déployer, déplier, c'est-à-dire une performance en fait par laquelle des groupes sociaux, séculaires ou religieux, montraient leurs possessions, leurs textiles, leurs tapisseries. Et donc on voit que le display, c'est un geste, c'est une performance, c'est une action de la mise en exposition qui peut changer dans le temps et qui n'est jamais une pratique neutre. Oui, ce n'est pas neutre, François Mérès. L'exposition elle-même reflète la volonté, je le dis, d'une classe dominante, au sens où le musée lui-même dépend d'institutions, et l'institution reflète la volonté de ceux qui mettent en scène ces œuvres, donc les œuvres d'art bien sûr, mais pas seulement. Et ce regard-là, cette histoire sociale doit faire partie de l'analyse que vous portez sur la manière d'exposer. C'est bien comme cela que l'on doit saisir, voir et montrer les œuvres. Bah, très clairement, effectivement, le musée est lié au pouvoir, et donc est un reflet du pouvoir, qui très clairement aussi, à partir du 19e siècle, du début du 19e siècle, est la classe dominante et la classe bourgeoise, et donc qui forcément va amener aussi, je dirais, une certaine vision des choses. Alors, on a ce lien politique, évidemment, qu'on s'est amené à déconstruire, hein, surtout ces dernières années, mais on a aussi un lien scientifique, c'est un des points extrêmement importants. C'est-à-dire que, bien sûr, dès la fin du XVIIIe siècle, notamment avec tout le développement de l'histoire de l'art, on se rend compte que le display, pour reprendre justement le terme évoqué par Noémie Etienne, le display va très clairement se métamorphoser. La galerie du Belvédère va être, en 1784, si je ne m'abuse, restructurée à partir des époques. Et ça, par exemple, c'est quelque chose de tout à fait différent, puisque auparavant, on avait des regroupements, des rassemblements, donc des manières de voir, qui se faisaient en fonction soit de couleurs, de thématiques, etc. Et qui, là, va obéir à un certain ordre des choses qui va être beaucoup plus scientifique, progressivement. C'est évidemment tout ce qu'on peut observer aussi à travers, par exemple, l'histoire naturelle. C'est-à-dire que quand on passe, par exemple, au darwinisme, ça signifie aussi que toute la manière de présenter les choses va suivre les règles de l'évolution, ce qui n'était évidemment pas le cas auparavant, ou qui obéissait à d'autres modes différents. Et puis, dans cette idée d'accrocher les œuvres, il y a ce que vous nous avez expliqué, la manière de mettre, si nous restons sur les tableaux, mais ça vaut aussi pour les objets, selon les thèmes, plus ou moins proches, et il y a le classement. C'est vrai que ces périodes sont essentielles. Et il y a la volonté de montrer, de comprendre, et dans ces moments-là, un ancêtre du photographe pointe son nez, il s'appelle Daguerre. Essayons, après beaucoup d'autres, d'y voir clair. Dans ce Paris du temps de Balzac, qu'il peint du haut de Montmartre, ce jeune provincial inconnu, Louis-Jacques Mandé Daguerre, va rencontrer la gloire. Ce qui frappe en premier dans son œuvre, ici dans ce pont de Thiers, c'est le goût du détail précis, du document. De ses débuts chez un architecte, il a gardé la science de la perspective. Il y joint un sens étonnant de l'éclairage. Le tout donne à ses toiles une vérité que nous dirions aujourd'hui quasi photographique. Enfin, il ouvre, en 1822, une attraction qui fait courir tout Paris. Ce spectacle d'illusion qu'il rendit célèbre était le fameux diorama. Le spectateur était placé dans l'obscurité, à une dizaine de mètres d'une immense toile peinte des deux côtés. Dans la coulisse, on manœuvrait de grands panneaux réflecteurs qui renvoyaient la lumière du jour de telle manière que la toile était éclairée tantôt directement, tantôt par transparence, faisant ainsi succéder un effet de nuit à un effet de jour. Daguerre et le diorama, présenté dans un documentaire de Roger Lénart en 1964. Noémie Etienne, le diorama tel qu'il a été présenté là, cette innovation de Daguerre, prend une place intéressante dans les musées. Vous pouvez nous rappeler déjà ce qu'est ce système de diorama appliqué au musée ? Alors, donc, la définition que vous avez fait passer sur les ondes de Daguerre, c'est vraiment le diorama originel, celui de 1822, qui est un dispositif, je dirais, récréatif, par lequel un public est invité à observer une peinture qui va, en fait, évoluer, changer de passer du jour à la nuit et de la nuit au jour. Dans les musées, le diorama, ça prend un sens un petit peu différent et ça a d'ailleurs d'autres terminologies dans d'autres langues. C'est un dispositif d'exposition qui cherche à recontextualiser. Donc, on parlait tout à l'heure du fait que les objets d'art dans les musées ou les objets sont décontextualisés et qu'on les recontextualise. Le diorama, c'est une petite scénette qui va prendre le parti d'une reconstitution soi-disant à l'identique, qui est en fait évidemment une fiction, mais de manière à mettre les œuvres en scène dans les musées. Une fiction, c'est quelque chose que nous avons tous croisé dans les musées. Il y a un côté très anglo-saxon et tout de suite, le film La nuit au musée de Sean Levy nous revient en tête. Ce film où il y a des reconstitutions de scènes, elles sont reconstituées à partir de personnages, de mannequins. C'est bien cela, hein, Noémie Etienne. Il y a tout un travail pour faire croire qu'on y est. Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans une histoire un petit peu de longue durée des dispositifs d'exposition qui seraient globales, internationales, c'est que dans les années 1850-1900, on a un grand tournant muséologique qui commence en Angleterre et qui vraiment s'intensifie aux États-Unis, qu'on appelle d'une épistémologie de l'objet. Donc, l'idée de l'objet va devenir au centre du discours muséographique et du discours tout court. On veut faire parler les objets. Et alors ensuite, on ne sait pas toujours très bien comment faire parler les objets, surtout certains objets, comme par exemple les objets amérindiens dans le cas que vous évoquez de la nuit au musée, dont on ne sait pas exactement comment les communiquer, comment les mettre en scène. Et le diorama, dans ce sens-là, est une des réponses pour simuler, si vous voulez, les acteurs de l'époque parlent d'élucider la signification des spécimens, c'est-à-dire qu'on va prendre un objet rituel dont la signification ne serait pas évidente, et au lieu juste de l'accrocher au mur, on va le mettre avec un mannequin pour en fait expliquer, ou en tout cas c'est ce qu'on prétend vouloir faire, expliquer sa signification, c'est-à-dire rendre immédiatement compréhensible dans une perspective qui est une perspective récréative et divertissante, puisque ce qui se passe aux États-Unis, qui se passe toujours d'ailleurs autour de 1900, c'est vraiment un tournant récréatif pour que le musée soit moins ennuyant et que les gens aient envie d'y aller et que ce soit du fun en fait, voilà. François Mérès, cette conception même du musée qui doit devenir récréatif, pour reprendre les mots de Noémie Etienne, en tout cas qui s'ouvre à un plus large public qui n'est pas réservé à une élite ou aux étudiants d'art pour venir copier les œuvres, cette conception même du musée transforme alors la manière de présenter les œuvres. Mais de quelle manière? Là, on a l'exemple du diorama. Il y en a d'autres? Globalement, je dirais c'est ce que disait l'extrait aussi. Il parle d'attraction. Et très clairement, il faut pas l'oublier, jusqu'à la fin du 19e siècle, dans un monde où les attractions sont beaucoup moins nombreuses que celles qu'on connaît actuellement. Le cinéma n'est pas encore né, enfin, il va naître tout à la fin, évidemment, 1895, si je ne m'abuse. C'est ça. Et très clairement, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a bien sûr les êtres vivants, et puis il y a des théâtres d'objets, d'une certaine manière. Et donc, il y a toute une série de dispositifs ou d'attractions qui sont mises en place, notamment, bien sûr, dès la fin du 18e siècle, les panoramas, qui sont en fait ce qu'on peut appeler effectivement une muséographie immersive. On entre dans quelque chose. Et donc, on a ce sentiment de réel, d'une certaine manière, qui se dégage, et comme l'a évoqué Noémie Etienne, qu'on va aussi pouvoir utiliser pour recontextualiser. Ce qui amène les deux aspects intéressants, c'est-à-dire un aspect recherche, contextualisation, et un aspect spectaculaire qui ne va cesser de se développer, évidemment, puisque la volonté va être d'ouvrir le musée au plus grand public. Et donc, bien entendu, ce grand public, on peut l'attirer notamment par des éléments spectaculaires. Eh bien, nous allons directement au spectaculaire. Voici les nymphères. Parmi les idées qui ont été soulevées par Monet à cette occasion, il y avait celle de faire arriver les visiteurs par le sol, je ne sais plus si c'est par un escalier ou par un ascenseur, qui aurait permis d'émerger directement dans cette espèce d'aquarium, de bocal, de peinture, sans même l'interruption imposée par les portes, comme c'est le cas maintenant. Et surtout l'idée d'un flux, d'un flot littéralement ininterrompu de peinture. On était dans l'ordre de l'illimité, de l'absolument illimité. C'est l'idée d'une forme parfaite qui est celle de l'ellipse et de deux ellipses identiques reliées par des passages eux-mêmes courbes qui suggèrent une démarche sinueuse et ininterrompue. Une visite au musée de l'Orangerie à Paris dans l'émission Une vie, une œuvre sur France Culture. C'était en janvier 1995 avec ce lieu magique, hein, l'Orangerie, pour les nymphéas de Monet, donc qui sont installés là après la Première Guerre mondiale, avec une volonté réellement de créer un lieu. François Mérès, c'est pertinent de se dire à ce moment-là, il y a cette réflexion de créer le lieu spécifique pour l'œuvre, ce qui n'est pas une nouveauté, il y a des précédents, mais ça participe de l'évolution de la manière de réfléchir à comment exposer les œuvres. Oui. Ce qu'on peut observer notamment avec cet exemple, c'est effectivement que l'artiste commence à s'y intéresser beaucoup plus. Évidemment, il en est déjà un certain nombre d'autres auparavant qui ont commencé à réfléchir justement à la meilleure exposition. Mais ce qu'on observe durant tout le XXe siècle, c'est effectivement de plus en plus d'artistes ou d'architectes qui s'intéressent bien sûr au dispositif lui-même, le muséal, de manière générale, et très clairement qui vont chercher à s'y investir de manière importante. Et donc, c'est ce qui va donner lieu aussi à une muséographie beaucoup plus élaborée, telle qu'on peut l'avoir, avec évidemment une expérience ultime comme les nymphéas qui est tout à fait remarquable. Mais globalement, c'est ce qu'on va observer à travers toute la logique de l'installation, etc. aussi, dans d'autres domaines. Là où nous évoquions les dioramas, nous évoquons les nymphéas, Noémie, Etienne, cette réflexion en fait devient globale sur comment montrer les œuvres, mais surtout quel message transmettre. Il y a ce va-et-vient intéressant pour les nymphéas, c'est une commande de l'État, c'est l'amitié Clémenceau-Monet qui permet d'avoir cette sublime installation. Pour les dioramas aussi, nous sentons que les choix politiques sont présents. Et pour l'historienne que vous êtes, il est formidable de décrypter en fait ces choix. Comment procédez-vous ? Oui, alors c'est intéressant parce que ça nous ramène un petit peu à la distinction qu'on faisait entre politique et scientifique. En fait, il faut bien se rendre compte que les deux sont liés. Le scientifique est politique. Quand d'Angivillé, donc le sous Louis XVI, le surintendant des bâtiments du roi, donc le ministre de la Culture, décide avant le Louvre de réorganiser en école, donc avec l'école française, l'école italienne, il fait pas que suivre en fait les avancées scientifiques. Il fait du politique, c'est-à-dire qu'il veut donner une très grande place à l'école française. Donc dans tous les choix en fait curatoriaux, il y a un mélange de science et de politique, puisque la science est politique. Et dans les dioramas, c'est très clair, la grande personnalité qui va les mettre en place aux États-Unis s'appelle Franz Boas. C'est un anthropologue qui est très connu, notamment dans le milieu germanique, et qui va, lui, utiliser le diorama, en fait, pour démontrer une théorie qui est, à l'époque, extrêmement contestée, qui est l'idée que les races, c'est le terme qu'il emploie, mais on pourrait employer le terme de culture, sont autonomes. Donc, en reprenant le dispositif du diorama, qui montre les petites cellules homogènes où les choses ne sont liées que entre elles, mais non pas dans un mode comparatif avec d'autres cultures. Franz Boas reprend ce dispositif pour dire chaque culture est autonome, il n'y a pas de supériorité des races. Donc on voit un dispositif qui est à la base récréatif, qui est aussi par certains aspects très très problématique aujourd'hui, qui peut servir selon les acteurs, en tout cas là c'est le cas avec Franz Boas, à faire une histoire à la fois politique et scientifique qu'on peut ensuite décrypter en utilisant les archives, les photographies et ce qui reste des dioramas puisqu'une grande partie ont été démantelées. Voilà, Franz c'est son prénom, Boas c'est son nom, Franz Boas ça fait comme un bloc, mais c'est un homme essentiel parce que c'est une véritable proposition nouvelle, hein, François Mérès, dans l'art d'exposer les œuvres qui devient un art, une réflexion presque aussi importante que l'œuvre elle-même, au sens où l'œuvre n'est pas la même selon la manière où elle est exposée. Oui, bien sûr. Et c'est ce phénomène qui va se déployer très progressivement durant, comme je le disais, tout le XXe siècle, avec à travers l'histoire des dioramas, à travers l'histoire de la présentation de manière plus générale, à travers un certain nombre, on pourrait dire aussi de grands moments qui voient le jour. Alors globalement, l'une des grandes révolutions, c'est effectivement durant l'entre-deux-guerres, qui est cette période qui voit tout d'un coup la création de réserves et donc une vraie révolution muséographique. C'est-à-dire que ce qu'on observe dans une exposition, c'est la première fois d'ailleurs que la muséographie va s'exposer en tant que telle. C'est à l'Exposition internationale des arts et techniques en 1937, et c'est avant-après. C'est assez fascinant. La muséographie est suffisamment fière d'elle-même pour pouvoir dire, voilà, nous sommes une technique véritable, importante, et les musées se modernisent. C'est-à-dire aussi que, très clairement, il y a de manière sous-jacente aussi l'idée de dire les musées utilisent ce qu'on appelle à l'époque la propagande, c'est-à-dire la publicité, et se sont totalement transformés, modernisés, etc. L'un des grands acteurs clés qu'on observe, c'est, on pourrait dire, derrière tout ça, notamment, c'est le Bauhaus, c'est-à-dire un certain nombre, une école et un certain nombre de grands artistes comme Herbert Bayer ou autres qui vont développer des expositions. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'artistes vont progressivement se spécialiser dans la conception d'expositions, vont influencer très largement un certain nombre de conservateurs, ce qui va amener à progressivement une révolution aussi au niveau de la couleur d'ailleurs dans les musées. On est passé du rouge, vert, les gris, les blancs, et puis effectivement ce qui va devenir le white cube en quelque sorte. Le white cube, alors chose essentielle dont vous allez nous parler, François Mérès, mais ce que je retiens à ce moment-là du cours de l'histoire, c'est que désormais, quand il est question d'exposer les œuvres, les artistes ne font plus bande à part. Franz avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux. France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. En 9 minutes 43 secondes, Arthur, Odile et Franz avaient battu le record établi par Jimmy Johnson de San Francisco. Le cours de l'histoire qui s'intéresse au musée avec Godard, Bande à part, un film de 1964. Le musée chronométré est une chose bien sûr, mais le musée est quelque chose de sensible pour un large public et même pour les enfants. On va en prendre un au hasard. Toi, tu as absolument temps. Bon, tu as envie de nous parler du muséum. Qu'est-ce que tu as vraiment trouvé de plus beau, de plus riche, de plus amusant au muséum? Quel a été le plus beau jeudi? Le plus beau jeudi, celui des volcans, celui des papillons, celui de la préhistoire. Celui des singes. Celui de la préhistoire. Ah, tiens, j'ai l'impression que la préhistoire recueille une majorité. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Quel animal as-tu fait? Le dinosaure. La préhistoire. Tu as fait le dinosaure? Oui. En terre glaise, en pâte à modeler? Oui. Ah oui, qu'est-ce que vous avez encore fait? Il y a un animal qui a l'air... Le diplodocus. Ah, tu as fait le diplodocus, toi? Moi aussi. Dites-moi, ce qui m'a frappé, c'est la beauté de vos collages de papier de couleur avec les perroquets. Les perroquets. Hein? Les perroquets, puis avec les papillons, mais c'était dur parce qu'il fallait bien découper, puis il fallait mettre le papier à l'envers. Alors. Il fallait mettre le papier à l'envers, et puis c'est un travail. Découper. Tu y es arrivé, toi, mais oui. T'as quel âge? 10 ans et demi. T'as 10 ans et demi? Oui. Et tu as fait ça? Et oui. Vous arrivez à travailler, à vous appliquer à votre travail comme oui. Ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Pendant toute une après-midi. Monsieur. Monsieur. Le jeudi où tout le monde a envie, on a envie de courir, on a envie de... Monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On s'amuse bien. Trop tard, moi. Mais dites donc, vous êtes des vrais naturalistes. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je sais pas, monsieur. Tu sais pas, toi. Ex-explorateur, il n'y en a plus, mon vieux, c'est fini, les explorateurs. Écoute, je vais te donner... Eh bien, on va finir par un bon conseil. Eh bien, il y a une chose encore à explorer. Oui. C'est le muséum d'histoire naturelle. Naturelle, ah oui. C'est ce que vous faites tous les jeudis. Ah oui, vous avez raison, monsieur. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, le jeudi, c'était le jour férié pour les enfants dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Marie Placé avec aujourd'hui à la technique Souad Boukorsa, qui découpe aussi de très très beaux papillons. Parce que il y a de ça dans le musée, il y a la volonté d'accueillir maintenant un plus grand nombre de publics. Et dans cette grande réflexion sur comment exposer les œuvres, il n'est pas possible en fait d'avoir une réponse linéaire. François Mérès, c'est selon le public en fait. Vous nous avez parlé des différentes démarches adoptées, mais chaque démarche, donc chaque public visé, conduit à une manière d'exposer particulière. Oui, oui, certainement. Et il ne faut pas oublier non plus que dans les années 60, c'est-à-dire si on se réfère à Bande à Part, s'ils ont pu faire cette course, c'est aussi parce que le Louvre était beaucoup moins fréquenté. C'est-à-dire effectivement que les musées, et notamment le muséum par exemple, dans les années 60, il n'est pas du tout en très bon état. C'est un des points importants qu'on a tendance à oublier actuellement, justement, un moment où les musées, en dehors évidemment de 2020, sont extrêmement fréquentés et très populaires. Très clairement, évidemment, c'est que on est dans un lieu qui, dans ces années-là, est relativement poussiéreux. C'est uniquement à partir des années 1980 que progressivement on va voir se développer un phénomène particulier qui est celui des grandes expositions temporaires, les blockbusters. Et effectivement, notamment en France avec les grands travaux, mais dans toute une série d'autres pays, en Allemagne, en Grande-Bretagne, etc., c'est un développement considérable du phénomène de la construction et du phénomène muséal. Et donc aussi le développement, notamment du marketing dans les musées, avec un intérêt pour le public de plus en plus central. Donc on a un intérêt d'ailleurs, on pourrait dire, qui est lié au marché, un intérêt qui est lié à la médiation et à une action politique qui vise justement à utiliser la culture pour en faire un enjeu politique. C'est toute l'action culturelle. Et les deux, d'une certaine manière, vont contribuer à cette popularité du musée, et donc notamment d'un musée qui s'intéresse, comme vous venez de le dire, à des publics spécifiques, à des enfants, à des publics qui cherchent un certain nombre de choses, à d'autres, aux familles, etc. Et dès lors, le diorama a une place dans cette réflexion. Noémie Etienne, le diorama, nous entendions des enfants au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui se régalent de découvrir tout ce qu'ils voient. Eh bien, le diorama a cette démarche là aussi très pédagogique. Sous couvert de pédagogique, il y a un message politique, mais quel est le destin du diorama qui pourrait paraître un peu vieilli dans cette évolution de la manière d'exposer les œuvres? Donc c'est intéressant d'entendre des enfants, parce que effectivement le diorama marche très bien avec les enfants, et si vous allez dans un musée qui en montre, vous allez avoir tous les bambins vraiment excités à regarder des scènes. Et ça pose aussi une question, mais ça c'est une question de recherche, qui est parfois la réception de ces dispositifs, parce que autant on peut facilement étudier un peu leur mise en place, autant je pense que la question dont ils sont reçus est plus compliquée, et parfois grâce à des photos, grâce à des entretiens comme ça, on peut voir un petit peu, et notamment dans les publics d'enfants, qui sont particulièrement attirés par les dioramas, parce que les dioramas sont vivants, sympathiques et aussi non textuels, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas savoir lire, vous pouvez comprendre un petit peu la scène. Et puis pour ce qui est de leur réception aujourd'hui, il y a une intense réception qui touche soit les artistes contemporains qui s'intéressent au diorama, soit les activistes qui s'intéressent aussi au diorama, mais plutôt dans une perspective très critique, puisque une partie de ces dispositifs qui représentent des contextes non occidentaux parfois, pas seulement, hein, mais parfois sont jugés très problématiques aujourd'hui, puisque puisqu'il en fait il donne à voir des représentations standardisées, stéréotypées assez difficiles. Donc on les démantèle beaucoup en ce moment. Oui, voilà, ou au moins donner des explications sur ces dioramas dont un des musées phares, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle de New York, celui du film La Nuit au musée, mais des États-Unis vient aussi un autre cube. Il est blanc, c'est le cube blanc. Écoutons les actualités françaises. À Paris, sous le titre de 50 ans d'art aux États-Unis, s'est ouverte une exposition qu'a inaugurée le ministre de l'Éducation nationale et qui est la première d'une série de manifestations groupées sous le vocable général de « Salut à la France ». Ces œuvres, les plus représentatives du musée d'art moderne de New York, vont familiariser le public parisien avec l'art abstrait américain qui triomphe sans conteste dans ses étranges variations. Architecture, peinture, sculpture, mobile, cette exposition donne à Paris l'expression d'une formule d'art qui a, semble-t-il, conquis totalement les États-Unis. Dans les actualités françaises, en avril 1955, l'exposition 50 ans d'art aux États-Unis. Alors bien souvent dans les archives, effectivement, lors des reportages, le journaliste s'intéresse à l'œuvre exposée. Il ne regarde pas ce qu'il y a autour. Et avec Marie Placet qui réalise l'émission, nous avons eu beaucoup de mal à trouver des mots qui disaient « le mur est blanc, la salle est grande ». Non, c'est l'œuvre qui est au cœur de la question. Mais dans cette exposition de 1955, François Mérès, il est clair que les images des actualités françaises étonnent. Ce sont des grands murs blancs, nous sommes à Paris, qui copient les États-Unis avec un tableau au mur. Qu'est-ce que ce cube blanc ? Globalement, comme je le disais, c'est aussi la résultante d'un processus qui s'est opéré durant l'entre-deux-guerres essentiellement et qui a visé à neutraliser d'une certaine manière le dispositif ou à présenter une neutralisation du dispositif, qui n'est pas possible parce qu'en fait, un dispositif neutre est tout de même un dispositif et donc, mais globalement, qui visait à chercher à valoriser l'objet. Et donc, à faire s'effacer le dispositif. Donc, des couleurs les plus neutres possibles, on est passé vers des gris clairs, etc., et vers le blanc. Et donc, un décor très aseptisé, d'une certaine manière, minimaliste aussi, qui va faire plaisir à deux tendances, on pourrait dire. Une tendance minimaliste, qui voit justement, qu'on retrouve très largement dans l'art contemporain, et une tendance scientifique, qui vise aussi à considérer, à cette époque-là, progressivement, le musée comme un laboratoire. C'est toute la logique du musée de l'homme, etc., et qu'on retrouve avec le grand muséologue français Georges-Henri Rivière, qui envisage le musée comme un dispositif scientifique de recherche, de présentation, et donc la neutralité des objets, d'une certaine manière, la neutralité du fond. Et donc, ça amène aussi bien, d'ailleurs, d'un côté, le White Cube, que plus tard la black box, puisqu'en fait le noir permet aussi de valoriser les objets. Ça va être le dispositif qui va être privilégié notamment par Rivière pour le musée des arts et traditions populaires. Avec un jeu donc de couleurs, d'épures, vous nous l'avez dit François Mérès, c'est l'économie même du musée qui permet cela avec des réserves. Donc les œuvres sont cachées puis on n'est pas obligé de tout mettre sur les murs. Mais malgré tout, dans cette démarche-là, Noémie Etienne, nous voyons bien tant pour le diorama que pour l'exposition du musée de l'œuvre dans un cadre neutre, il y a toujours le véhicule sous-jacent d'un message politique. Donc on est d'accord que le cadre neutre, comme disait François Mérès, n'existe pas. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que ce White Cube, il est utilisé donc pour des œuvres, disons, modernes ou minimalistes, mais il va être aussi utilisé, par exemple, pour des objets amérindiens ou africains. Donc là, on voit aussi un petit peu comment les choses se mélangent. Et donc là, effectivement, on sort du musée d'anthropologie ou de l'exposition de type diorama pour mettre, des œuvres d'art africaines, des œuvres d'art amérindiennes au MoMA. Il y a une grosse expo au MoMA qui s'appelle Indian Art of the United States en 1940. Donc là, on va être un peu dans un anti-diorama et on va mettre ces œuvres en scène comme des chefs-d'œuvre de l'art occidental. Donc d'un côté, on pourrait se dire, c'est super, on peut les apprécier individuellement, on reconnaît leur beauté, mais évidemment, on plaque aussi un certain dispositif à des objets qui ont une autre fonction et un autre contexte. Et si on étend un peu cette réflexion, ça fait partie des choses dont on discute. un musée comme le Quai Branly, alors c'est pas tout à fait un white cube, mais ça va être aussi un musée qui va prendre un certain nombre de patrimoines non européens pour les réexposer un petit peu comme on exposerait peut-être d'autres œuvres. Et donc il y a tous ces mélanges en fait qui sont toujours des politiques, c'est au sens large, mais qui sont des gestes, tout simplement, comme j'essayais de le dire avec le display, qui sont des déploiements, des positionnements des objets qui sont intéressants à saisir dans leur complexité et dans leur signification en fait. François Mérès. Mais ce qu'il est important aussi de souligner, c'est que ce dispositif, il se déploie non seulement dans les musées, mais aussi dans les galeries d'art. Et que très clairement, en fait, il y a aussi d'ailleurs une volonté, partiellement d'ailleurs, de commercialisation. Alors pas dans les musées, bien entendu, mais via l'esthétisation, ça, on crée un autre marché. C'est évidemment le lien qu'on peut faire avec le musée du Quai Branly. Et très clairement, la possibilité de présenter un objet comme étant effectivement selon des principes esthétiques, ça permet tout d'un coup de lui faire changer de statut et de passer simplement d'un registre qui est celui d'un témoin, d'un témoignage de telle œuvre, de telle civilisation, etc., vers tout d'un coup une valorisation de l'objet en tant que tel et qui est potentiellement, puisqu'elle est reprise dans des galeries ou initiée dans des galeries, qui est potentiellement monnayable. Donc on développe un nouveau type de valeur aussi. Allez-y, Noémie Etienne. Oui, non, juste pour encore construire ce lien en fait entre économie, marché et musée, parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant, c'est les lieux de rencontre. Dans l'expo que je mentionnais, Indian Arts of the United States, d'abord elle est le curateur, comme on dit, c'est René d'Arnoncourt, qui est une personnalité clé, mais qui s'est formé en fait en faisant des vitrines de musées, des vitrines de magasins. Donc il travaille comme muséographe, mais il est formé au marché, au commerce, mais même pas aux galeries, vraiment aux magasins. Et puis à la fin de l'exposition, il fait un énorme gift shop où il y a des répliques des œuvres qui sont montrées et qui sont installées dans un espèce de salon. Donc ça dit, vous avez aimé l'expo, vous avez aimé cet art, et ben regardez au gift shop, vous pouvez encore en acheter et peut-être même le mettre chez vous. Donc il y a vraiment une convergence et un lien complexe en fait entre économie, marché, galerie et musée. François Mérès. Non, c'est effectivement tout ce lien qui est très très important et qu'on a oublié effectivement d'évoquer entre le musée et le grand magasin qui se met en place dès la seconde moitié du 19e siècle avec notamment des périodromes, avec notamment effectivement un art de la vitrine qui va faire la fortune des grands magasins, bien entendu. Par exemple, Rivière, lorsqu'il est engagé au musée de l'Homme pour rénover l'ensemble des salles d'exposition, va notamment effectivement se renseigner dans pour voir les vitrines des grands magasins, etc. On a ce lien entre musée et grand magasin, et donc entre le principe de l'expologie qui s'intéresse aussi bien d'ailleurs au musée que à tous les lieux d'exposition, et notamment bien sûr l'exposition qui est d'un côté commercial et la non commerciale, mais qui utilisent tous les deux souvent les mêmes dispositifs et qui se renvoient, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a une invention et puis elle va être reprise à un autre moment dans l'autre. Et ça, c'est assez fascinant, effectivement, avec un renforcement, bien sûr, de l'élément commercial, pourrait-on dire, lucratif. L'élément commercial lucratif au cœur des musées, bien sûr, mais parfois le musée sait s'effacer pour respecter le lieu. Petit tour à Lyon. Une véritable cathédrale de béton enfouie dans la colline de Fourvière près du Théâtre antique de Lyon. C'est dans ce musée étonnant que se trouvent désormais rassemblés tous les vestiges, jusqu'à ce jour dispersés, de la civilisation gallo-romaine de Lyon. Du buste de Plancus aux fragments de pierre tombale marqués du signe du christianisme, annonciateur de la fin de l'ordre romain, en passant par des bijoux, des ustensiles, des céramiques, des bronzes, on progresse dans ce musée vivant, dont la conception audacieuse est due au talent de l'architecte Bernard Zerfus, inspecteur général des bâtiments civils et des palais nationaux. J'ai imaginé de faire, avec l'accord des archéologues, de faire des salles qui successivement descendent le long d'une rampe. On descend, il y a une progression qui est suivant un programme préétabli, depuis l'entrée ici, à ce niveau-là, jusqu'au niveau du site archéologique, en visitant toutes les salles successivement, avec de temps en temps des trous dans cette colline, que Le Corbusier appelait des canons de lumière, des trous vers le site archéologique, de façon à ne pas avoir l'impression d'être dans une caverne. pour la première fois, ou du moins une des premières fois, un musée a été conçu vraiment pour les collections qui sont à l'intérieur. Nous avons essayé d'animer les collections épigraphiques qui étaient très riches par des objets qui illustrent chaque inscription. C'est donc toute la vie gallo-romaine qui est reconstituée dans ce musée. L'édition Rhône-Alpes de la troisième chaîne de la télévision française en 1975 qui s'intéresse au sublime musée gallo-romain de Lyon, Lugdunum. François Mérès, l'artiste prend la parole pour exposer les œuvres, le scénographe, l'architecte. Nous sentons bien que dans l'histoire de la manière d'exposer les œuvres, il y a de plus en plus d'acteurs. Oui, alors il y a souvent des nouveaux acteurs, mais il y en a aussi qui s'effacent. Et ça, c'est un des points intéressants qui est évoqué par votre extrait. On est en 75, on est dans une autre conception du musée qui est très très peu commerciale, en revanche, qui est fondée notamment sur, on pourrait dire, des principes qui sont assez proches de ceux de Georges-Henri Rivière et du Musée des Arts et Traditions Populaires, c'est-à-dire une muséographie la plus sobre possible, qui s'efface au profit, on pourrait dire, de l'objet et surtout de la science, d'une certaine manière, qui s'adresse à la société, mais qui en même temps se veut relativement minimaliste, etc. Donc on a notamment, effectivement, les grands Manitou de l'époque, ce sont pas les artistes, ce sont pas des scénographes ou des muséographes qui viennent de l'extérieur, etc. Ça ne sont pas des grands communicateurs, c'est plutôt des scientifiques, des conservateurs qui sont à ce moment-là véritablement les maîtres des lieux. Et ce qu'on observe, c'est progressivement, par exemple, le pôle recherche. Et donc, tout ce qui va être lié à ce pôle recherche, c'est une certaine vision de l'exposition, va progressivement laisser la place à d'autres acteurs. Donc, d'un côté, il y en a d'autres, il y en a certains qui arrivent, et puis il y en a d'autres qui, progressivement, sont mis sur de côté, sur une voie de garage. Eh bien, écoutez, merci beaucoup François Mérès, merci beaucoup Noémie Etienne, avec cette idée que quand les musées pourront ouvrir au moment de la visite, il faudra s'arrêter un moment pour regarder hors de l'œuvre. Comment l'œuvre est mise en scène, parce que là, il y a une histoire sans doute, mais il y a aussi une œuvre d'art. Je vous rappelle, François Mérès, vos ouvrages sur la médiation culturelle et puis ce culte des musées publié à l'Académie royale de Belgique. Et puis Noémie Etienne, je rappelle aussi les autres et les ancêtres, les dioramas de Franz Boa et d'Arthur C. Parker publiés aux presses du réel. Merci vivement à vous deux de nous avoir fait visiter la visite du musée. Pas directement l'œuvre. Merci beaucoup. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, après la sidération, le temps de l'histoire commence pour analyser l'occupation du Capitole par les soutiens de Donald Trump, c'était la semaine dernière. Et si l'invasion du Capitole était le signe d'un après-guerre mal négocié? Une fois passé l'événement, son récit s'élabore avec ses héros comme le policier Eugene Goodman, ses victimes comme Ashley Babbitt et son pyromane Donald Trump. Mais à y regarder de plus près, on se demande pourquoi l'encouragement de ce dernier à perturber la certification de l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis a si bien marché. Selon l'historien Romain Huret dans la revue en ligne AOC, l'histoire des guerres extérieures menées par les États-Unis au nom de la défense de la démocratie fournit quelques pistes pour l'expliquer. Parmi les émeutiers qui ont franchi la frontière sacralisée des portes du Congrès, les observateurs avisés ont repéré de nombreux membres de milices et de groupes paramilitaires. Ces milices recrutent largement depuis 50 ans dans les rangs des vétérans de l'Afghanistan, de la guerre du Golfe ou encore du Vietnam, dont le personnage cinématographique du premier Rambo n'était qu'un avatar incarnant le trauma des combats et une réintégration insupportable dans la société ordinaire. Les milices procurent alors un espace d'existence et d'action pour ces anciens combattants, dont les blessures visibles et invisibles ravagent les rangs une fois rentrés au pays. Ces guerres lointaines, menées par les États-Unis, ont engendré un désastre sanitaire et social et un imaginaire paranoïaque et complotiste qui érige l'Amérique du Nord en une nation prête à s'autodétruire. Ce sont ces milices très nombreuses mais marginalisées qui ont gagné en visibilité et en respectabilité grâce au président sortant Trump, qui les a reconnus, avec affection parfois, comme ses soutiens. Stand back and stand by, but I'll tell you what. I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a left-wing. This is a left-wing problem. White supremacist. Prêt à passer à l'action, ils l'étaient le 6 décembre à Washington, prêt à réparer une relégation de leur regard sur la nation nord-américaine, avec trois composantes originelles, une haine de l'État, un anticommunisme viscéral et un racisme parfaitement assumé, avec une dimension identitaire renforcée ces dernières années. L'espoir était pourtant né avec l'élection du très conservateur Ronald Reagan en 1981, suivie d'une déception qui a renforcé cette alt-right, cette droite alternative, et son passage de la contestation à la désobéissance armée face à un État considéré comme la première menace sur le destin de leur nation en péril. Romain Huret rééquilibre l'enchaînement historique du 6 janvier, je le cite, en rendant responsable le seul Donald Trump de cette occupation sans précédent, les États-Unis en oublient néanmoins l'essentiel, l'émergence et le renforcement de la nébuleuse sont avant tout le résultat de l'état de guerre permanent depuis la guerre du Vietnam. Un passage à l'action violente qui repose sur une culture du flingue qui rendait disponibles des hommes, des femmes et des armes, désormais forts d'un exploit fondateur, avoir occupé le Congrès états-unien pendant quelques heures pour défendre leur vision apocalyptique de la démocratie américaine. Apocalyptique. Merci Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Poscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Voir et montrer, nous sommes au musée parce qu'il nous manque. Oui, vraiment, ils nous l'attendent, ils nous les attendons, nous n'en pouvons plus. Et puis nous pensons surtout à tous ceux, à toutes celles qui font les musées, que ce soit les conservateurs, les commissaires d'exposition, les guides conférenciers, les gardiens, tous ceux qui font ces moments que nous aimons. Ces moments sont simplement les visites au musée. Dès demain, nous continuons donc notre exploration quand les musées racontent l'histoire de la nation française. Oui, les musées doivent nous rendre fiers.